I'm a soldier, j'avance solo. J'ai la baraka, cicatrice dans le dos. Sur le katana, j'entends plus un mot. En Y dans le game, plata au plomo. Ceux qui rêvent de moi peuvent pas m'attendre. Je repartirai de la pièce sans les temps. Jusque là, personne n'avait rien à craindre. I'm a soldier, j'avance solo. J'ai la baraka, cicatrice dans le dos. Sors le katana, j'entends plus un mot. En Y dans le game, plata au plomo. C'est dans les rues de Cannes, j'ai fait mes premiers pas. Aujourd'hui je prends ma part, je veux pas tomber en panne. Ça visite de trois à part, j'investis à Dubaï. Je suis à l'aéroport, je dois raccrocher à peine. Ils disent de moi que je fais l'ancienne, ils font tout ça pour la peine. Ils peuvent découvrir, je les encaisse, des bitches, les bitches, les enfers. Ils disent de moi que je fais l'ancienne, ils font tout ça pour la peine. I'm a soldier, j'avance solo.